Wesh toxique, bien ou quoi? Wesh fufu, tranquille et toi? Ça va. T'as entendu à ce qui part en dérange? Ouais, j'ai entendu ça. Tu sais ce que ça mérite ça? Si, ça mérite qu'on fasse un bête de son tout un ça. Un bête de son. Ma présence en dérange, rien à foutre, je renonce pas et j'avance. Au mic, je fais pas de romance, 80, beaucoup de violence, je représente et j'en place une pour que ce n'est Zenox et 2P. T'inquiète, ça avance, le volume 1 est là, et ma présence en dérange. Je trim, je fais des rimes, et je pisse sur Sarkozy. Ma présence en dérange, pendant qu'on rap résonne comme dans un bloc, et parfois je débloque, je passe mon temps à noircir mon bloc-notes. Ma présence dérange, mon rap les dérange, c'est l'heure de la vengeance. Mon hip-hop, je vous balance, wesh toxique. À ce qui paraît, on les chaîne, à croire que c'est dans nos gènes. Y'a mieux pour rien si les temps nous malmènent. Qui croient pas qu'on va se laisser faire. Allez niquer vos mères, vous faites trop de manières. Allez niquer vos mères, vous faites trop de manières. Notre présence vous dérange, si tu baves je te coupe la langue, je te l'enfonce dans la branche. Notre présence vous dérange, alors je m'arrange avec mon pote Furax pour vous sortir un son violent, insolent. Notre présence vous dérange, alors je m'arrange. Notre présence vous dérange parce que notre rap est trop violent. Notre présence vous dérange parce qu'on note pas notre cul, pas comme certains que vous avez eu. Notre présence vous dérange comme Sarkozy aux commandes. Notre présence vous dérange comme un flingue posé sur ma tombe. Comme un flingue posé sur ma tombe. Ma présence dérange, mais je ne compte pas bouger. Je reste pied à terre, sur pied à terre pour représenter le budget. Tous mes potos à tête cramée, posé fait sur ce canapé. Écoute ce putain de couplet, un couplet à pied à terre, tous ces putains de rageux. T'as 26 ans, tu te prends pour un grand, mais je te pète les dents, vieux ange dérange. Mais ma vie c'est ici, Amiens City, j'y ai grandi avec tous mes amis. Tous mes soucis et tous ces risques, ma présence dérange. Alors je suis sur cette justice avec ces peines incomprises, insolites. Je te lâche des rimes acides, des vapeurs toxiques sur ce putain de Sarkozy. Cet enculé nous l'a bien mise. Notre présence vous dérange parce que notre rap est trop violent. Notre présence vous dérange parce qu'on ne note pas nos culs, pas comme certains que vous avez eu. Notre présence vous dérange comme Sarkozy aux commandes. Notre présence vous dérange comme un flingue posé sur ma tombe. Notre présence vous dérange, si tu baves je te coupe la langue, je te l'enfonce dans la branche. Notre présence vous dérange, alors je m'arrange avec mon pote Furax pour vous sortir un son violent, insolent. Notre présence vous dérange, deviens impuissant face à cette méchanceté. Je ressens l'envie de tout niquer. L'envie de tout niquer.